Je pense mes vibrer et plier en cadence. Avec mon cœur me détaché de mon corps. Voyager loin, transporter le vide. Transporter, rêver. Quand je veux sentir la musique, je veux agir, transmettre, vibrer.